14 et 16, observation. Qu'est-ce que parler veut dire? Comparer. Parler. Parle. Dire. Dis quelque chose. Parler français. Dites quelque chose en français. Il parle vite. On ne comprend pas ce qu'il dit. Elle parle peu. Elle ne dit rien. Il parle bien. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle pas beaucoup. Mais il dit des choses intéressantes. Il parle russe. Alors je ne comprends pas ce qu'il dit. Notez que dire est utilisé avec quelque chose et des choses intéressantes qui fonctionnent dans la phrase comme des objets, des compléments d'objets directs. Avec parler, on trouve vite, peu, bien, français, etc., qui indiquent des manières, des façons de parler. Ce ne sont pas des objets, ce sont des adverbes.